Un violeur en série présumé était mis en examen aujourd'hui. Ce cuisinier français de 24 ans est soupçonné de 5 agressions sexuelles, dont une sur une mineure de 14 ans. Tu l'as aimé passionnément, évidemment, amoureusement. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a trahi. Il t'a trahi. Tu voulais pas donner ton corps, il te l'a pris. Il te l'a pris. T'as hurlé, t'as crié, personne ne t'entendait. T'as souffert des rumeurs qui couraient sur ta vie. Et ce que tout le monde ignorait, c'est qu'il te l'a détruit. Il te l'a détruit. Et bien sur terre, on est plus poussière. La vie est faite de ça. On est faite de ça. On est, on grandit. On pleure, on sourit. On n'aime pas la folie. Et puis tout est fini. Tu as cette jeune dame qui se balade dans la rue, exploitée par les drames avec un regard perdu. Il y a 3 ans de ça, elle s'est faite agresser là, puis elle s'est faite brancher, puis violée par 3 gars. Tu as ce jeune petit qui vient à peine d'aller en boîte. Personne ne lui avait dit qu'il y avait un bus à sa droite. Ce jeune avait de l'alcool, n'arrive même plus à bouger. Alors le môme percute le bus et il fut assassiné. Tu as cette jeune femme qui est enceinte sans volonté. Sans que personne le sache, elle se mit à avorter. Alors quelques mois plus tard, on les retrouve dans la maison, enfermé dans le congélateur et entassé comme des glaçons. Tu as ce jeune mineur qui commence à déraper, qui commence à fumer jusqu'au point de se défoncer. Ses états là sont faux car il croit que la vie est rose. Alors il touchera la drogue et mourra d'une overdose. Jeune couple commence à peine à s'embrasser. Sur une sortie de boîte ont commencé à se caresser. Ils commencent à faire l'amour mais je crois sans se protéger. Et plus tard ils s'aperçoivent que le sida est chopé. Tu as ce jeune rappeur qui se comprend que sur ses textes. Crois bien qu'il s'appelle Chino mais il ne vient pas de la tête. Il croit que son rap il peut en faire sa vie. Mais il sait aujourd'hui que les rêves c'est la nuit. Il sait aujourd'hui que les rêves c'est la nuit. On est bien sur terre.